Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Journée spéciale sur France Culture, deuxième diffusion du forum L'année vue par les savoirs. Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur les questions de démocratie numérique et sur les pouvoirs de nuisance ou au contraire les bénéfices que peuvent avoir les algorithmes. Démocratie numérique, les algorithmes nuisent-ils ou non à la démocratie? C'est la diffusion du forum L'année vue par les savoirs dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Voilà, donc nous allons parler aujourd'hui et autour de cette table ronde de la question de l'influence des algorithmes, alors plutôt de la société algorithmique sur la démocratie. Est-ce que c'est plutôt un atout, au contraire un handicap ou un danger, une menace? Et il y a pour commencer une forme de paradoxe qui traverse aujourd'hui cette société qui s'est très largement numérisée. C'est que d'une part, Internet, à son apparition et à sa massification, était finalement l'incarnation du retour d'une forme d'horizontalisation des rapports sociaux. Tout le monde était sur un pied d'égalité derrière son écran. C'était cette espèce d'utopie numérique initiale. C'était un modèle de partage, de discussion, de réorganisation sur des modèles comme la gratuité et l'échange, autour de ces notions-là en tout cas. Or aujourd'hui, le marché est dominé par quelques géants que vous connaissez tous, qui ont édicté leurs lois, qui se comportent comme des super États aux tentations parfois même totalitaires et qui sont noyautés par ailleurs par des activistes politiques qui utilisent aujourd'hui les apories de ces systèmes pour diffuser ces fameuses fake news dont on parle tant en ce moment et influencer parfois notamment des processus électoraux. Alors, à l'heure actuelle, la France, je ne vous apprendrai pas grand-chose, est traversée par un vaste mouvement de contestation sociale dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines. Or, ce mouvement est né, d'une certaine manière, de cette organisation horizontale du réseau. Les Gilets jaunes se sont d'abord structurés via Facebook, même en utilisant d'ailleurs, et on en reparlera, l'algorithme de Facebook qui a peut-être permis, faciliter leur agrégation en mouvement. Certains groupes essayent même d'ailleurs aujourd'hui via quelques applications qu'on appelle les civic tech, dont on reparlera aussi, d'utiliser le réseau et la structure du réseau pour faire naître une nouvelle matrice d'organisation démocratique. À l'heure où les États et où les superstructures étatiques comme la Commission européenne s'arrachent les cheveux pour essayer de traquer, de circonscrire les activistes qui diffusent non plus seulement des fake news, mais ce qu'on appelle aujourd'hui des deep fakes, vous en avez peut-être entendu parler, qui sont des montages vidéo sur lesquels on peut faire dire grosso modo n'importe quoi à n'importe qui. Nos démocraties sont-elles prêtes pour leur mue numérique ou au contraire vont-elles se fracasser lamentablement face à la nouvelle forme d'étatisme transnational que représentent les géants d'Internet qui sont, on le verra aussi, appâtés par la tentation d'être les nouveaux représentants d'une démocratie mondiale, la démocratie dans laquelle vous êtes amenés à vivre votre vie de citoyen, vous, nos amis lycéens qui sont ici dans ce forum et dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Bref, les algorithmes sont-ils les ennemis ou les ennemis de la démocratie, pour le dire simplement? Pour en parler autour de cette table, nous sommes ravis donc d'accueillir Axel Lemaire. Bonjour. Bonjour. Ancienne secrétaire d'État chargée du numérique sous la présidence de François Hollande. Vous êtes actuellement associé au cabinet de conseil en stratégie Roland Berger, qui est en charge du traitement des données qui sont recueillies pour le grand débat national. On en parlera. Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'informatique à Sorbonne Université, président du conseil d'éthique du CNRS. Et Benjamin Bayard, bonjour. Bonjour. Co-fondateur de la Quadrature du Net, co-président de la Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatif. Alors pour commencer, est-ce que vous partagez cette opinion selon laquelle le mouvement des Gilets jaunes est finalement l'incarnation de cette nouvelle forme de mobilisation numérique, le premier mouvement social de l'ère Facebook, Benjamin Bayard? D'une certaine façon, oui. Alors c'est pas le premier, il y en a eu d'autres avant, mais qui se voyaient moins. J'ai souvenir de mouvements à la fin des années 90 qui fonctionnaient déjà en s'appuyant sur Internet. C'est simplement qu'aujourd'hui, le mouvement social se fabrique là où les gens font société. À la fin du 19e siècle, c'était au café du village. Au début du 21e, c'est dans les groupes Facebook. Le numérique n'a pas produit ça. Ce que le numérique a produit et qui a mis un temps long à se faire, c'est une prise de parole, c'est le fait que les gens discutent, c'est le fait que les gens ont accès à beaucoup plus d'informations. On a beau dans les médias se moquer de la supposée inculture des Gilets jaunes, il n'empêche que les Gilets jaunes ont une culture économique qui est de très loin supérieure à celle des ouvriers du 19e siècle qui manifestaient. C'est-à-dire, ils savent lire, écrire, compter, ils ont été à l'école, ils ont le bac, ils ont des notions d'économie, de politique, d'histoire qui sont très très très au-dessus de celles qu'avaient les mineurs de charbon de la fin du 19e siècle qui se battaient pour survivre. Donc croire que c'est de l'inculture, c'est faux. C'est du mépris qui vient d'une élite hyper cultivée et qui méprise les gens qui n'ont pas lu ce qu'il faut lire. Le fait que les gens puissent s'agréger, discuter, accéder à l'information, commenter l'information, ça, c'est une spécificité du numérique. Mais c'est pas quelque chose qui a 2 ou 3 ans. C'est quelque chose qui est très ancien et qui commence à mûrir. Donc ça, oui, c'est bien une spécificité liée au numérique. Axel Le Maire, sur ce paradoxe, en quelque sorte, de Facebook qu'on accuse de déshumaniser, de marchandiser la vie privée, qui aujourd'hui, on peut peut-être rentrer un peu dans le détail, on dit que le nouvel algorithme, la révision de l'algorithme de Facebook qui s'appelle EdgeRank, en 2018, qui a poussé à créer des communautés d'intérêts, finalement a facilité d'une certaine manière la structuration des Gilets jaunes en mouvement. Est-ce que du coup, ce mouvement social a ceci de novateur, qu'il est effectivement un produit de l'ère des réseaux sociaux ? Il est très certainement amplifié et accéléré ce mouvement, mais je partage l'avis de Benjamin Bayard en ce sens qu'il n'est pas nouveau. Et longtemps, Internet et cette capacité de mobilisation collective a été une promesse. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des fake news, c'est anxiogène. Lorsqu'on parlait du printemps arabe, lorsqu'on parlait des réseaux sociaux comme étant capables de faire entendre des voix qui autrement ne pouvaient pas s'exprimer, et notamment celles des femmes dans des régimes oppressifs, eh bien, c'était une promesse. Alors, ce qui a basculé, c'est d'abord qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, ce qui signifie des centaines de milliards de posts tous les jours, donc c'est cette amplification, et puis le fait très certainement que les régimes politiques démocratiques ne sont pas prêts à accueillir ces nouvelles formes de mobilisation, parce que ça s'accompagne d'une immense défiance dans les appareils, qu'ils soient politiques et institutionnels, mais aussi médiatiques, et dans tous les grands débats publics qui traversent le monde aujourd'hui, et qu'il y a une dissonance, une déconnexion immense entre la rapidité et la capacité d'organisation en ligne et la capacité des structures classiques institutionnelles gouvernementales à d'abord entendre puis répondre à ces mobilisations. Mais pas seulement des structures gouvernementales, Jean-Gabriel Ganassia, aujourd'hui même des structures de contre-pouvoir sont dépassées par cette nouvelle forme d'organisation qu'on va appeler numérique pour faire vite, mais que Axel Le Maire a raison, qu'on peut retrouver dans d'autres types de mobilisation en dehors des structures d'opposition classiques, là où elles n'existent pas, lors des printemps arabes ou dans des pays qui ont un traitement des femmes qui est inégalitaire. Bien évidemment, le mécontentement populaire n'est pas produit par Internet. Il y a eu des révolutions bien avant. Mais en revanche, je crois que la grande transformation qui vient avec les modes de communication tient à ce que nous avons ce que j'appelle la sous-veillance, c'est-à-dire que chacun, avec son téléphone portable, avec les réseaux sociaux, est capable de parler au monde entier. Alors pour bien comprendre cette transformation, il faut voir que, d'abord, premier point, il y a une incidence des modes de communication sur les régimes politiques. Au XXe siècle, nous avions essentiellement ce qu'on appelle le broadcast, la diffusion large, la centralité des modes de communication qui coûtaient extrêmement cher et donc qui étaient possédés par des gens extrêmement puissants. Ça a conduit certainement à des formes de totalitarisme que l'on connaît. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement différente, c'est-à-dire que tout le monde, effectivement, est capable de diffuser l'information qu'il souhaite. Le problème, c'est que nous sommes assaillis d'informations de tous ordres. Nos capacités cognitives ne nous permettent pas de gérer, de faire la différence entre toutes ces informations. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a des intermédiaires qui deviennent indispensables. C'est ce que moi j'appelle les orins. Alors qu'est-ce que c'est que les orins ? Ce sont les organismes informationnels, mais en même temps, le terme en français, je trouve, est joli parce que c'est le cordage qui relie, en termes de marine, une bouée à l'encre de fond. Alors, ces orins, ce sont les moteurs de recherche, ce sont les réseaux sociaux, et c'est eux, bien sûr, par lesquels vous devez passer pour pouvoir entrer en contact avec les autres dans cette société. Et ce que je crois, c'est que ces orins, effectivement, plus exactement les possesseurs de ces orins, ont aujourd'hui un pouvoir considérable dans le monde qui est le nôtre. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a une transformation politique majeure. Les États ne sont plus au centre de la diffusion d'informations. Donc, il ne faut pas regarder dans le rétroviseur de l'histoire. Je crois qu'il ne faut pas craindre à la dictature des États, mais au contraire, il faut craindre à tous les abus de pouvoir. Alors, les orins, ce sont bien sûr les possesseurs de ces techniques de communication, mais ça peut être aussi des mafias, ça peut être aussi un certain nombre d'États, hein, ça peut être aussi une forme de cybercriminalité, hein, qui des réseaux terroristes, etc. Et je crois que c'est ça qui demande à être pensé. La grande difficulté, c'est que je crois que les concepts qui sont fondements de la philosophie politique sont en train de muter avec ces technologies d'information. Il y a de nouveaux acteurs qui interviennent et qui ont, avec ces technologies de communication, un pouvoir qui est multiplié. Et donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'horizontalité du pouvoir qui est la conséquence du développement des technologies de communication. Alors ensuite, bien sûr, qu'un certain nombre de gens, comme en France, les Gilets jaunes, aient pu utiliser ces outils pour trouver de nouvelles formes de mobilisation, ben, c'est ce qu'on a vu et c'est effectivement très, très nouveau. Mais ça met extrêmement mal à l'aise. Alors moi, en tant que président du comité d'éthique du CNRS, j'ai contribué à la rédaction d'un rapport que nous avons publié il y a un an sur la posture des scientifiques dans cette ère de post-vérité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque vous avez des informations qui sont contradictoires, hein, avec les conclusions de la science. Et ça, vous voyez, ça nous met dans une situation extrêmement difficile. On va revenir, hein, sur la post-vérité, sur la diffusion des fake news, mais j'aimerais qu'on creuse un peu ce sillon-là, non pas du lien entre Facebook, les mafias, les états totalitaires, mais un petit peu quand même. En tout cas, Benjamin, si ça vous plaît, ça, Benjamin Bayard. On peut pas dire que ce soit la même chose. Ce serait complètement aberrant. En revanche, on peut pas nier qu'il y a certaines similitudes. Par exemple, Facebook, comme l'État, c'est quelqu'un qui a un grand pouvoir et où ce pouvoir doit être équilibré, sinon il devient totalitaire. Ça a été théorisé sur l'État de manière relativement tard. C'est l'équilibre des pouvoirs chez Montesquieu. C'est le fait que, ok, il faut séparer le législatif, le judiciaire et l'exécutif, et il faut que chacun puisse contrer les deux autres, de manière à ce que ces pouvoirs soient équilibrés et qu'on ne se retrouve pas sous le joug d'un tyran. C'est Montesquieu qui a théorisé ça. L'apparition de formes modernes d'État, c'est quand même un ou deux siècles avant. Et l'apparition d'un pouvoir central faible, puis par la suite fort, c'est plus ancien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur les grandes plateformes. C'est-à-dire, les grandes plateformes, c'est des gens qui décident, c'est-à-dire Facebook, qui décide tout seul de ce qu'il veut bien faire et de ce qu'il veut pas faire. Typiquement, ce que fait Facebook quand il choisit l'ordre dans lequel il présente les informations et quelle information il met en avant, c'est qu'il vous manipule, puisqu'il décide de ce que vous allez voir ou ne pas voir. Alors ça a l'air très méchant quand c'est dit comme ça, mais enfin les publicitaires font ça depuis toujours, hein. Les publicitaires qui essayent de vous convaincre qu'en achetant une voiture vous allez sauver l'environnement, ils vous manipulent. Facebook fait ça en permanence. Ça, c'est un pouvoir sur vous, c'est un pouvoir énorme dont il ne rend compte à personne et sur lequel pour le moment il n'y a pas de contrebalancement, il n'y a pas de point d'équilibre. Ça, c'est bien une question qui se pose et qui est similaire à la question qui se pose sur les États. Quand les systèmes mafieux, alors, on entend mafieux, on se dit c'est les méchants, ils tuent tout le monde, tout ça. Non, pas forcément. Ça peut être une honnête corporation qui défend ses intérêts. Alors, on va appeler ça un labo pharmaceutique ou des ayants droit dans la musique. C'est une honnête corporation qui défend ses intérêts en s'arrangeant pour détruire ses adversaires, si possible, en les mettant en faillite. Ça aussi, ce sont des histoires de pouvoir et de qui contrebalance. Et c'est les mêmes jeux. Et donc, quand on voit que certains groupes politiques peuvent faire usage des réseaux numériques pour faire certaines manipulations un peu trop grandes, oui, ça ressemble un peu à du mafieux. Mais en fait, la question sous-jacente est toujours la même. Quelle responsabilité vient avec ce pouvoir et à quel moment Facebook est responsable de ce qu'il fait ? Facebook, en mettant en avant telle information, en promouvant tel poste, prend une responsabilité et met en avant une information. Et je veux dire, typiquement, mettre en avant des fake news, ça s'appelle de la propagation de fausses nouvelles. Ça fait très longtemps que c'est interdit. Le fameux aphorisme Spider-Man qui vous tient tant à cœur, grand pouvoir, grande responsabilité. Vous l'avez déjà fait plusieurs fois ce micro. Axel Lemaire, c'est intéressant parce que il y a beaucoup de choses. Et dans ce que relève Benjamin Bayard, c'est aujourd'hui la capacité d'emprise ou en tout cas d'intervention de l'État démocratiquement élu sur ces structures qui sont des structures privées dont le fonctionnement des, comme vient de le dire Benjamin Bayard, pas démocratique puisque c'est une structure privée, donc avec un chef qui décide pour tout le monde et qui, comme il vient de le dire, Facebook décide ce qu'il fait. Je crois que vous avez d'ailleurs un exemple qui était assez inquiétant ou en tout cas révélateur de la tentative au moment où vous étiez au gouvernement, justement de collaboration avec certains réseaux sociaux au lendemain des attentats. Alors c'est un exemple qui montre à quel point la prise de conscience et la situation ont évolué, je dirais depuis 2015 et l'année qui a frappé la France par des attentats. Pourquoi ? Parce que, et ce qui montre à quel point, en l'espace de quelques années, tout a été métamorphosé du fait de l'amplification de l'importance, en particulier des réseaux sociaux, dans la circulation de l'information et dans le pouvoir de ces plateformes. 2015, Charlie Hebdo, puis le Bataclan. À l'époque, ce qui était en jeu, c'était une collaboration plus efficace entre les forces de l'ordre et les plateformes numériques pour parvenir à retirer les contenus illicites et les propos haineux. On en parle aujourd'hui plus que jamais, mais aussi à cibler les possibles terroristes et à retrouver les auteurs des crimes terroristes. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une tendance à dire circuler à rien à voir, voici le numéro d'appel dans la Silicon Valley, et donc un déséquilibre entre l'État, dans d'ailleurs son expression souveraine et son obligation de maintien de l'ordre et de la sécurité publique, et une forme d'inconscience, peut-être alimentée, mais en tout cas d'inconscience dans la réponse faite par ces plateformes quant à leur responsabilité qui allait bien au-delà que un modèle publicitaire ou le fait de faciliter le partage d'informations entre utilisateurs de la plateforme. Donc ça a beaucoup évolué, mais au point. C'est-à-dire que où, concrètement, vous n'avez pas eu de réponse. Hein. On vous trimballait de numéro de téléphone en numéro de téléphone. C'était très compliqué, comme un utilisateur lambda, quoi. Avec ce sentiment que la légitimité n'était pas du côté de l'État. Et donc, il fallait justifier une demande d'intervention. Aujourd'hui, cet équilibre, symboliquement, on va dire, est un peu rétabli, si ce n'est que les fameux algorithmes dont on parle, ils sont eux qui déterminent le classement de l'information et ce que vous verrez en premier, peut-être ce que vous verrez pas du tout. Pourquoi ? Parce que la modération de l'information est faite par des algorithmes, aussi par des modérateurs, et là, on peut voir les ressources qui sont mises à disposition. Un Facebook, par exemple, embauche 15 000 personnes physiques modératrices des contenus, y compris totalement illicites et haineux, à travers le monde, et qui sont chargées de mettre en œuvre des guides éditoriaux, eux-mêmes définis dans la Silicon Valley, qui sont des tableaux Excel, qui sont des diapositives, qui sont des guidelines, entre guillemets, couvrant tous les champs possibles de ce qu'il est permis et pas permis de dire à l'échelle globale. Et donc, quelles que soient finalement les situations locales, les droits nationaux, etc., avec des conséquences très réelles, d'ailleurs dénoncées que ça soit par l'Organisation mondiale de la santé en matière d'effets anti-vaccination dans les communautés qui peuvent se créer sur des groupes privés sur Facebook, que dans des résultats électoraux ou dans des incitations à la violence au Myanmar, au Pakistan, en Inde, ou du retrait d'informations qui auraient pu aider à la collecte de dons pour faire face à des catastrophes naturelles comme en Indonésie, par exemple. Donc l'impact aujourd'hui sociétal, social, économique, il est très réel. Et ces algorithmes, ils sont quoi ? Ils sont très opaques. Et la dichotomie, elle est là. Elle est entre la responsabilité qui n'est pas accompagnée d'une légitimité démocratique dans un environnement qui est très secret, parce que même les chercheurs ont du mal aujourd'hui à accéder aux données utilisées pour alimenter ces algorithmes. Et donc, un des premiers petits pas vers une forme de collaboration plus partenariale entre l'ensemble des parties prenantes, ce serait plus de transparence des algorithmes. Et lorsque j'étais au gouvernement, nous avons à tout le moins essayé de le faire, puisqu'on a voulu appliquer la transparence des algorithmes aux algorithmes publics. Qu'est-ce que c'est un algorithme public ? C'est un algorithme qui sert à l'administration pour prendre une décision administrative individuelle qui peut vous concerner si vous êtes usager de Pôle emploi, si vous êtes un contribuable et que vous payez des impôts, si vous êtes, et je vois qu'il y a des lycéens dans la salle, bientôt utilisateurs de la plateforme Parcoursup, eh bien, tous ces services publics sont susceptibles d'émettre des décisions individuelles qui, elles-mêmes, reposent sur le fondement de calculs algorithmiques. Que dit la loi aujourd'hui ? par la loi pour une République numérique, entrée en vigueur en 2017, elle dit que vous avez droit à être informé du fait que cette décision a été prise sur la base d'un calcul algorithmique et que vous pouvez aussi demander à vous voir communiquer les paramètres, les données, leurs sources, les conditions de pondération qui ont fait que cette décision a été rendue vous concernant. Par exemple, sur le montant de l'impôt sur le revenu que vous payez. Ça, c'est la loi. Ce sont toutes des décisions prises par des algorithmes aujourd'hui, hein, voilà. Sans intervention humaine. Ça, c'est la loi. Mais la loi, elle n'est absolument pas appliquée. Mais il n'empêche que ça montre la voie vers ce qui pourrait être un début de transparence algorithmique et donc une plus grande légitimité démocratique dans une gouvernance qui désormais se fait par les algorithmes. On va revenir parce que c'est intéressant et puis ça va intéresser nos amis lycéens, notamment autour de Parcoursup, cette notion de transparence et de savoir si nous sommes équipés aujourd'hui en tant que citoyens pour pouvoir avoir accès à ce que cette transparence, même si elle n'est pas appliquée, pourrait nous donner accès, enfin si on est capable de lire et de comprendre ce qu'il y a derrière. Mais j'aimerais qu'on reste un tout petit peu quand même sur ce lien qu'il peut y avoir entre les États, les pouvoirs démocratiquement élus et ces superstructures qui ont des tentations d'États transnationaux. Hein. On le voit bien, Google, Facebook a une volonté aujourd'hui d'incarner une nouvelle forme de démocratie régénérée. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, ne s'en cache pas. Il a publié une tribune en octobre dans le Washington Post qui s'intitule « Protecting democracy is an arms race, here's how Facebook can help », c'est-à-dire « La protection de la démocratie est une course aux armements, voici comment Facebook peut aider », où on entend bien qu'il pense pouvoir donner des armes aux citoyens pour une plus grande démocratie, pour faire triompher le bien contre ces méchants hackers qui diffusent des fake news. Aujourd'hui, Jean-Gabriel Ganassia, est-ce que les États démocratiques peuvent lutter à armes égales face à ces nouveaux représentants d'une forme de démocratie algorithmique qui ont en plus une ambition supra-étatique ? En tout premier lieu, je voudrais défendre les algorithmes. Le terme vient du nom d'un mathématicien, Al-Khwarizmi, qui a vécu au 9e siècle, un mathématicien persan, et ça désigne une méthode de résolution d'équations. Les algorithmes sont indispensables pour la démocratie. Une constitution, c'est un algorithme qui vous dit quand voter, quels sont les représentants, etc. Donc ce ne sont pas les algorithmes qui sont en cause. Ce sont des algorithmes très particuliers, qui sont des algorithmes de classement. On peut effectivement exiger que les algorithmes de la puissance publique soient transparents. Et j'espère qu'ils le sont, hein, pour savoir combien d'impôts on paye. Alors ça devient de plus en plus compliqué, mais on peut espérer. Mais lorsqu'on a affaire à des grands acteurs comme ceux-là qui classent les individus sur les requêtes de moteurs de recherche ou qui vous proposent des liens avec d'autres individus comme dans les réseaux sociaux... Ou qui les classent littéralement comme en Chine avec les algorithmes de notation sociale qui permettent d'avoir accès plus ou moins à certains services publics. Exactement. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile parce que la nature même du traitement des données est relativement opaque et on ne voit pas d'ailleurs comment on pourrait la clarifier puisque elle se dégage d'un apprentissage à partir d'immenses masses de données qui n'ont jamais été explicitées. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que, effectivement, les possesseurs de ces algorithmes, eux-mêmes, sont totalement indépendants et ils revendiquent une certaine forme d'indépendance. Il faut voir que politiquement, ce sont des gens qui souvent se prétendent libertariens, c'est-à-dire qui veulent se désengager totalement de l'influence des États. Alors, lorsque nous avons une démocratie comme la nôtre, il y a la possibilité d'une rotation des pouvoirs. Nous votons, et donc si nous ne sommes pas contents, nous pouvons ensuite voter pour quelqu'un d'autre. Dans le cas de ces grands acteurs, la grande difficulté, c'est que nous ne votons pas pour Mark Zuckerberg ou pour les dirigeants de Google. Et en plus de ça, ils sont extrêmement libres, puisqu'ils peuvent changer leur moteur extrêmement rapidement. Donc je crois effectivement qu'on se retrouve dans une situation nouvelle où il y a de nouveaux pouvoirs qui rivalisent avec les États. Et donc ça nous donne effectivement un monde qui est, de ce point de vue-là, extrêmement inquiétant et dans lequel je crois que... Ma question était, est-ce que les États ont justement encore une marge de manœuvre ? Est-ce qu'ils peuvent encore jouer, peser dans la balance face à ces super acteurs ? Ils ont à la fois, je crois, une certaine puissance, mais en même temps, ils sont très démunis. Parce que, vous savez, l'axiome de la démocratie, c'était la coextension du territoire et de l'État. Or, vous voyez que les territoires sont traversés d'influences diverses. Et donc, c'est de plus en plus difficile, je crois, pour les États de s'imposer face à ces grands acteurs. Alors, qui plus est, en Europe, on est en particulier très vulnérable parce que vous avez eu volontairement un renoncement à certaines prérogatives de la souveraineté étatique pour une souveraineté supranationale, qui était la souveraineté européenne. Et de ce point de vue-là, bien sûr, nous sommes très favorables. Mais il faut bien savoir qu'en Europe, il y a une pénétration, il y a un lobbying de ces grands acteurs qui est très, très problématique. Et donc, effectivement, hein, ils font en sorte qu'on ne prenne pas des décisions importantes. Alors, je vais donner un petit exemple. Il y a eu la division Connect l'an dernier qui a rédigé un rapport sur la désinformation et les fake news. Et ce rapport insistait sur l'utilisation de logiciels de fact-checking. Alors, ce qui est très bien sûr, vérifier l'origine des faits. Alors, ça pose deux problèmes. C'est que d'abord, c'est très difficile et techniquement, ça suffit pas. Et surtout, le deuxième problème, c'est que même quand vous avez une nouvelle dont vous montrez noir sur blanc qu'elle est fausse, l'effet pernicieux de cette nouvelle subsiste. Alors, je regarde la liste des experts. Il y avait 39 experts. Et là, vous aviez des industriels européens bien connus, Twitter, Google, Facebook. Et donc, effectivement, il y avait une pénétration à l'intérieur de ces décisions. Il y avait un acteur qui n'avait pas signé, et il expliquait pourquoi. Il disait la principale cause de ces fake news, c'est le modèle économique qui est derrière, qui est fondé sur ce qu'on appelle le clickbaiting, c'est-à-dire la popularité des nouvelles. Et c'est effectivement ce qui est responsable. Mais ça, malheureusement, le clickbaiting, c'est les appôts à clics, si on veut le dire poliment. Voilà, c'est ça. Et malheureusement, oui, en français on dit les putes à clics aussi. Hein, mais je vous laisse le dire. Mais je crois que ce qui est important derrière, c'est de voir qu'il y a des modèles économiques qui nous échappent complètement. Tant que les États n'arriveront pas à mettre en cause ces modèles économiques, je crois qu'on sera dans une situation extrêmement difficile. Madame Bayard, la question tout de même derrière tout cela, c'est que si on recoupe un peu ce qu'on se dit depuis le début de cette table ronde, on voit bien qu'on est face à des acteurs privés qui ont un pouvoir, une force de frappe économique gigantesque, qui sont gérés de façon opaque. On a en face des acteurs publics qui sont un peu démunis, qui n'arrivent pas à faire plier ces acteurs privés à leurs règles démocratiques, à un certain nombre de programmes, comme payer ses impôts dans les pays notamment, mais pas uniquement. Quand on voit aujourd'hui, pour recouper ce qu'on se dit depuis le début, que ces acteurs sont aussi l'endroit où s'expriment les nouvelles luttes sociales, les nouvelles fédérations de protestation en dehors des contre-pouvoirs habituels, est-ce que on n'est pas en train d'assister à une forme de faillite de la démocratie représentative et de ses contre-pouvoirs habituels face à cette nouvelle démocratie numérique qui est dans les mains de quelques puissants? Alors, il y a deux ou trois détails avec lesquels je suis pas d'accord dans la formulation. Le premier, c'est le fait que ces plateformes n'ont pas qu'un pouvoir économique. Elles ont un pouvoir économique, c'est absolument certain, ce sont les plus grosses capitalisations mondiales, mais elles ont un pouvoir sociétal. Quand on est capable de manipuler l'opinion de 2 milliards de personnes, on a un pouvoir sur la société et c'est pas un pouvoir économique, c'est pas qu'une question de pognon. On pourrait vous rétorquer que ce pouvoir-là, il est utilisé, qu'il est dévoyé par des gens qui veulent influer sur des processus électoraux. C'est pas mon problème, ça. Ça, ce sont les gens qui veulent influer. Les gens qui font... C'est en fait, pour moi, dans la question de responsabilité, quelqu'un qui publie une fausse nouvelle de manière à provoquer la haine, à faire apparaître tel ou tel élément dans le débat, quelqu'un qui ment dans un débat pour influencer l'opinion, on sait ce que c'est un ministre. Je m'insurge. pas tous, pas tout le temps, mais disons que ça arrive. Ça va, vous avez dit « en ». Non, en plus, vous trichez, vous avez amené la seule ministre que je connaisse qui a fait des trucs bien et qui ne mentait pas. Alors ça... mais donc voilà, mentir pour manipuler l'opinion, c'est quelque chose de relativement courant. Et ça, c'est de la responsabilité du menteur. En revanche, ce que fait Facebook... c'est hiérarchiser l'information et mettre en avant certaines informations plus que d'autres. Et en particulier, pour reprendre le terme qui a été donné, c'est mettre en avant les articles les plus putaclics, parce que ce sont ceux, en fait, qui entraînent le plus d'engagement, c'est-à-dire qui vous énervent parce qu'ils disent des choses fausses ou qui vous énervent parce qu'ils disent des choses extrêmement outrageantes. Et ça provoque de l'engagement. Et pour la consommation publicitaire, c'est très bon. Donc c'est les mécanismes de classement mettent ça en avant de manière très spontanée. Et ça, c'est pas la responsabilité du menteur qui a menti au départ, c'est la responsabilité de Facebook qui a fait le classement. Et donc, c'est le deuxième point avec lequel j'étais pas tout à fait d'accord. C'est, oui, c'est une forme de faillite, mais il faut pas croire que ce soit une faillite parce que l'État n'a pas les moyens ou parce que la puissance publique n'a pas les moyens, c'est parce que la puissance publique ne veut pas. Je prends un exemple très précis. Quand la Commission européenne fait lentement et patiemment son travail, arrive à la conclusion que Apple doit payer X milliards d'arriérés d'impôts, il se trouve que la domiciliation fiscale d'Apple en Europe, c'est en Irlande, et que donc l'Irlande est priée de réclamer tant à Apple d'arriérés d'impôts et de distribuer ça, de dispatcher ça entre les différents pays qui ont été impactés. La réponse de l'Irlande, c'est « Ouais, non, alors nous, ça nous arrange pas, on aimerait mieux pas embêter Apple, parce que ça nous arrange un peu d'être un paradis fiscal, donc on aimerait éviter. » Et il a fallu que la Commission impose à l'Irlande de lever l'impôt. C'est pas que l'Irlande est incapable de taxer Apple, c'est que l'Irlande ne veut pas. Quand en France, on laisse Facebook faire de la promotion de fausses nouvelles, de la diffusion de fausses nouvelles, et qu'on ne sanctionne pas Facebook, c'est un choix politique auquel nous avons renoncé. En même temps, il y a une loi qui est en train de, qui est très contestée sur, pour l'interdiction non. contre les fake news oui, qui est en train d'être discutée par le gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une volonté politique. Cette loi est typiquement mal articulée puisque c'est une loi qui rend responsable l'auteur du propos, ce qui est extrêmement intéressant mais peu utile, mais très peu responsable la plateforme de diffusion. C'est-à-dire que la plateforme de diffusion est responsable si elle ne retire pas les contenus que l'État lui aura signalés comme faux. C'est pas tellement la question posée en fait. Axel Le Maire, sur peut-être la... Peut-être me faire l'avocate du diable ou faire entendre un son de cloche légèrement différent, même si vous l'aurez compris, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Au fond, ce débat sur les fake news, pour moi, il reflète aussi autre chose qui est la faillite du politique. Et la nature ayant horreur du vide, cette place occupée par les plateformes et l'information qui circule sur ces plateformes, c'est la place qui n'est pas occupée par le politique et qui a suscité la défiance immense qui permet les fake news et leur propagation. Je donne quelques exemples. Dans la santé, pourquoi aujourd'hui beaucoup de citoyens sont méfiants à l'égard d'informations qui pourtant sont plutôt officielles, proviennent d'experts, proviennent de médecins, d'organisations internationales, quant aux bienfaits des politiques de vaccination? Mais c'est peut-être qu'il y a eu certaines dérives dans le système médical, dans la manière dont des médicaments ont été mis sur les marchés, qui ont créé ce climat de méfiance. Lorsque on voit les fake news circuler sur la réalité scientifique du changement climatique, ben c'est peut-être parce qu'il y a une méfiance vis-à-vis de la sincérité des actions qui ont pu être menées en matière d'écologie. Lorsque il y a une défiance à l'égard des juges et qu'on se dit ben, peut-être que finalement les algorithmes ils permettraient de rendre une justice prédictive plus juste, plus accessible, plus compréhensive, parce qu'on pourrait, selon l'endroit où on habite, connaître à peu près la jurisprudence rendue par un tribunal, voire rendue par des juges nommés individuellement, qu'on pourrait comparer et qu'on pourrait donc se situer dans une moyenne et estimer nos chances de succès ou d'échec dans un procès, par exemple. Bien, c'est aussi peut-être parce que si la justice est mise en cause, à tort ou à raison, il y a une perception de son manque d'indépendance, etc., etc. C'est-à-dire que, quels que soient les sujets qui, au fond, sont abordés lorsque les fake news sont concernés, on voit bien qu'il y a une incapacité du politique à répondre aux attentes complexes exprimées en temps réel des citoyens et sur les mobilisations sur les réseaux sociaux qui manifestent une colère sociale forte. On pourrait aussi en dire long sur l'incapacité du politique qui a entendre cette colère et aussi qui a affaibli les corps intermédiaires qui servaient de tampon entre l'expression directe, immédiate, non organisée, individuelle des citoyens qui s'agrègent en collectif de manière temporaire sur ces plateformes et le politique qui prend des décisions ou qui devrait prendre des décisions de temps long. Donc, oui, il faut poser ces questions de la gouvernance démocratique des algorithmes, de la responsabilité juridique des plateformes, etc. Mais ça ne doit pas permettre de sombrer dans une forme de confort intellectuel, voire de confort psychologique, partagé par tous, hein, et pas uniquement les responsables politiques, consistant à dire, en fait, c'est la faute aux fake news. Est-ce qu'il n'y a pas, juste avec Axel Le Maire, une forme de responsabilité des États qui ont vu, à un moment donné, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, une sorte de solution un peu magique, de facilité dans les algorithmes, en sous-traitant, en disant, bon, on va s'y mettre, et puis finalement, c'est pour les impôts, et puis c'est pour Parcoursup, et puis on va en reparler aussi, mais c'est pour traiter les résultats de ce grand débat, parce qu'il va y avoir tellement d'informations à traiter qu'on est obligé d'en passer par de l'algorithmique, et en disant, bon, on va déléguer un peu à cette solution magique qui va nous permettre de s'en sortir sans trop s'impliquer. Le sujet, c'est pas l'algorithme. Le sujet, c'est pas d'aborder un thème avec une approche qui, a priori, est plutôt plus objective, plus impartiale et plus scientifique que lorsque ça repose uniquement sur la décision humaine est donc arbitraire. Le sujet, encore une fois, ce sont les critères de classement. C'est la manière dont ces algorithmes sont utilisés. Alors, si ils sont introduits uniquement pour des raisons de réduction de coûts, en disant, bon, ben voilà, on va en fait remplacer par exemple, des agents publics par des calculs automatisés qui vont permettre de réduire les déficits public, alors là, ils sont sans doute pas utilisés pour les bonnes raisons. Mais attention à pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'en fait, les algorithmes, ils peuvent être très utiles aux décisions publiques, parce que la promesse initiale, c'était quand même qu'ils éclairent cette décision publique. J'en viens, pardon, mais à la loi pour une république numérique, parce que c'est quand même une loi qui plantait des graines. Et en fait, je trouve que ces graines, elles poussent pas très bien en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'open access. L'open access, c'est l'ouverture, l'accès des publications scientifiques, notamment en ligne, qui permet aux chercheurs de sortir des contrats commerciaux qui les lient à leurs éditeurs au bout d'un certain temps pour pouvoir publier directement en ligne leurs travaux de recherche. Le but, c'est quoi ? C'est d'éclairer le débat, c'est de lutter contre les climato-sceptiques, par exemple. L'open data, le principe d'ouverture des données publiques par défaut, qui est désormais une obligation qui pèse sur toutes les administrations en France, y compris les collectivités locales. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les données aujourd'hui, qui ont une importance économique, sociale, environnementale, elles doivent obligatoirement être publiées dans des formats qui sont accessibles, qui sont aisément lisibles par une machine, pour que derrière, on puisse en faire un traitement automatisé, et donc mieux comprendre, mieux appréhender, mieux connaître, mieux débattre, et donc mieux décider. Alors, Jean-Gabriel Ganassia, puis Benjamin Bayard, je crois que vous voulez réagir, mais j'ai juste, pour remettre une pièce dans la machine, pour relancer un peu le débat, sur ces notions qu'on entend de transparence, de gouvernance, je veux bien les comprendre, néanmoins, est-ce que vous n'avez pas l'impression, moi j'aime bien, j'ai retrouvé dans un article une terminologie qui est-ce qu'on n'est pas déjà en fait plongé tous collectivement dans ce qu'on appelle aujourd'hui une architecture technique toxique, c'est-à-dire qui échappe aujourd'hui, parce que malgré la transparence, malgré la gouvernance, personne n'est en mesure, 99,9% de la population n'est pas en mesure de comprendre, d'avoir moyen, d'avoir accès à l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire à comprendre et avoir les moyens de comprendre ce qui se passe et comment ces algorithmes sont construits et donc quelle est la volonté politique qui les anime. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Jean-Gabriel Ganassia? Première chose, il faut insister de nouveau, hein, après ce qu'a dit Axel Lemay, les algorithmes en tant que tels ne sont pas en cause. Et il y a des aspects très positifs, hein, par exemple pour la puissance publique, hein, ça permet de surveiller un certain nombre de choses à une échelle nationale, hein, ça permet de vérifier, hein, un certain nombre d'hypothèses, etc. Donc ça, c'est très positif. En revanche, la grande question sur les fake news, c'est celle de la censure. Hein, c'est-à-dire que nous sommes des générations qui ont voulu abolir cette censure, hein, et qui avaient voulu avoir une société plus transparente, plus fluide, hein, et bien sûr, on se retrouve face à de nouveaux acteurs qui utilisent, qui nous prennent en otage. Hein, et c'est bien sûr ce qui est extrêmement délicat dans le monde qu'il y a aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on passe d'un monde de dissymétrie de l'information. Vous aviez des acteurs puissants qui diffusaient l'information, qui contrôlaient l'information, à un monde de symétrie d'information. Et c'est dans ce monde de symétrie d'information, je crois, qu'il y a tout un tas d'effets pervers qu'on est en train de rendre contrés aujourd'hui. Et est-ce qu'on va pouvoir, dans les années à venir, repenser les fondements même du système démocratique pour qu'on puisse avoir un contrôle, que les institutions démocratiques puissent reprendre une nouvelle vigueur tout en prenant en compte les acquis extraordinaires qui sont liés au numérique. Je crois que ça, c'est un enjeu formidable, hein, et donc c'est bien qu'il y ait des lycéens aujourd'hui ici, parce que c'est un défi. Hein, je crois que, hein, il faut repenser des notions qui sont au fondement de nos systèmes politiques, hein, par exemple la notion de souveraineté, hein, qui, à mon sens, hein, doit avoir, il ne s'agit pas du souverainisme du tout, hein, c'est le concept de philosophie politique qui est à la base de l'état de droit, et bien c'est celui-là qui, je crois, demande à être repensé dans les années à venir, et c'est une question extrêmement délicate. Et la question, bien sûr, c'est que nos acteurs, dont on parlait tout à l'heure, hein, ces orins, hein, dont on disait que ça recouvre des gens d'ordre extrêmement différent, eux-mêmes, plus qu'une puissance économique, hein, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, ils ont, je crois, des ambitions politiques. C'est-à-dire qu'ils veulent assumer, à la place des États, un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Et donc, je crois que ce qui appartient aux États, c'est de dire non. La difficulté, je crois, en Europe, hein, c'est que nous avons, dans les États, abandonné un certain nombre d'attributs de la souveraineté pour les déléguer à une puissance supraétatique. Et je crois que le grand enjeu dans l'avenir, c'est que l'Europe arrive effectivement à prendre ses responsabilités. Je crois que la RGPD est un premier essai qui va dans ce sens-là, mais il faut vraiment poursuivre avec beaucoup plus de vigueur, hein, et ne pas se laisser pénétrer par ces grands acteurs, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, qui font vraiment énormément de lobbying dans la communauté européenne. Benjamin Babayard. Alors, j'ose à peine vous demander une réaction sur la RGPD. Non, non, ça je vais éviter. Je reprends un point dans ce que nous disait Axel Lemaire et qui me paraît extrêmement intéressant, c'est l'histoire du grand débat. J'espère bien que les réponses sont comptées par des ordinateurs et que pour faire des statistiques et les calculs de pourcentage, on les fait avec des ordinateurs plutôt qu'à la plume. Il y aura moins de fautes de calcul. C'est pas là que ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le moment où on a décidé d'utiliser un ordinateur, là où on aurait dû utiliser un humain, au lieu de faire le contraire. Quand on prend un ordinateur pour calculer le pourcentage au lieu de prendre un humain, on fait les choses dans le bon sens. En revanche, quand on veut collecter l'opinion des gens, quand on veut mener une enquête qui permet de comprendre ce que les gens pensent, non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils pensent et qu'ils n'arrivent pas forcément à formuler, pour permettre d'accoucher la pensée des gens, il y a des gens dont c'est le métier de faire ça. Il y a des scientifiques dont la spécialisation est de savoir comprendre les gens qui ne sont pas comme eux. Si je veux les comprendre, il faut que je me mette dans une disposition d'esprit particulière, il faut que j'arrive à être dans leur disposition d'esprit pour comprendre ce qu'ils veulent et essayer de le reformuler. Ça, il y a des gens dont c'est le métier, ça s'appelle des sociologues et des anthropologues. J'aurais aimé que ce soit eux qui aillent au contact de la population et qui disent « Ok, c'est quoi ce qui va pas ? Qu'est-ce qui fait que quand vous protestez, les politiques ne vous entendent pas ? Qu'est-ce qui fait que quand les politiques disent quelque chose, vous ne l'entendez pas ?» Ça, ça aurait été extraordinairement intéressant. Mais ça, c'est pas la façon de compter les réponses, c'est la façon de poser les questions. Quand on pose les questions sur une plateforme informatique, la messe est déjà dite, les questions sont déjà écrites. Le travail de sociologie et d'anthropologie qui était nécessaire n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on a, à ce moment-là, dans le fonctionnement, retiré le travail humain qui était utile pour mettre à la place un ordinateur qui ne sait pas faire ce travail. Et ça, c'est un problème fondamental. Axel Lemaire, je rappelle que vous travaillez pour un cabinet qui est en charge de centraliser les réponses au grand débat. Oui, même si je suis pas du tout impliquée dans ce projet, mais je pense qu'on est à un moment absolument historique, qui est une chance, qui est que enfin on se pose les questions de la bonne manière et qu'on commence à toucher du doigt l'appréhension des enjeux. À savoir comment la démocratie numérique peut aider la démocratie, peut renouer le lien qui est brisé, qui est cassé. Et donc, on entre dans une phase d'expérimentation à une échelle qui est méconnue, hein, d'ailleurs, de par le monde, je pense. Donc, on ne sait pas tellement où ça va mener. Mais c'est très intéressant si ce grand débat n'est que le premier pas vers une forme de démocratie beaucoup plus en continu et qui est beaucoup plus à l'écoute dans la co-construction des réponses politiques et des politiques publiques, où on se dit il suffit pas d'un rendez-vous électoral tous les 5 ans pour donner un mandat finalement en blanc. Non, tout cela va se faire dans une forme de collectif beaucoup plus abouti. Et donc on voit bien que ça doit pas être uniquement une réponse ponctuelle et conjoncturelle à une crise. Ça doit être une manière de repenser assez profondément toute la chaîne du cycle décisionnel politique, avec ces questions très légitimes sur la place des algorithmes dans ce cycle et avec des conditions qui doivent être posées de manière très forte d'emblée et créer une forme de doctrine qui sont de dire d'abord les données collectées à l'occasion de ce grand débat, quand même plus de 800 000 contributions, c'est d'une richesse inouï, c'est pas un sondage là, c'est prendre le pouls d'un pays à échelle nationale, à grandeur nature. Et bien ces données, elles doivent être rendues à la collectivité. Et donc c'est de l'open data, ça doit être des biens communs, notamment mis à disposition des chercheurs et en particulier des anthropologues et des sociologues et de tous les experts des sciences humaines pour qu'ils comprennent mieux les germes de cette crise sociale. Et puis la plateforme qui recueille les contributions, elle doit être ouverte. On voit bien qu'à ce propos, il y a ce qu'on appelle donc les civic tech, qui sont un certain nombre d'applications, de propositions numériques pour recueillir, pour fédérer, pour centraliser. Néanmoins, leur utilisation pour le moment est encore relativement marginale, jusqu'à preuve du contraire. Et on en revient, Jean-Gabriel Ganassia, au paradoxe que j'évoquais au tout début de cette table ronde, à savoir, on déplore l'opacité, les tentations totalitaristes de ces superstructures numériques, et pour autant, aujourd'hui, ce sont elles qui pose les premières pierres de la reconstitution de ce tissu démocratique numérique dont vient de parler Axel Lemaire. Comment on sort de ce paradoxe-là ? Je pense qu'il faut repenser les institutions démocratiques elles-mêmes à l'heure du numérique. Et c'est une tâche extrêmement délicate, parce qu'il y a une complexité beaucoup plus grande qu'auparavant, puisqu'il faut effectivement prendre le pouls en permanence. Et en même temps, il ne faudrait pas que certains préemptent un tout petit peu ces institutions publiques pour essayer d'avoir plus d'influence que d'autres. Utilisent par exemple des bots pour diffuser de l'information qui vont faire pencher la balance d'un côté. Donc effectivement, il faut essayer de trouver une forme d'équilibre des pouvoirs. Oui et non, parce qu'en fait, ce type d'exercice, ça permet justement de mettre la transparence sur les bots ou sur les lobbies. Donc, c'est très délicat. En tout cas, je pense que c'est un enjeu majeur pour le futur. Il faut qu'il y ait une réflexion de fond, mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait des spécialistes de philosophie politique qui repensent l'ensemble de ces concepts qui sont au fondement de nos traditions démocratiques. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et puis, alors deuxième chose, je crois, qu'il faut dire, c'est que cette notion de transparence, c'est effectivement une exigence que nous avons de plus en plus, et je crois qu'elle est légitime. Et en même temps, on a parlé tout à l'heure, nous avons une autre exigence, qui est l'exigence de protection de la vie privée. Et puis, il y a une troisième exigence, qui est une exigence de sécurité. Sécurité face au terrorisme, sécurité dans la santé. Or, ces trois exigences sont en tension aujourd'hui, parce que la transparence, ça va en tension avec la protection de la vie privée. Et de même, la protection de la vie privée va en transparence avec la sécurité. C'est pour ça qu'on ouvre vos sacs dans les institutions publiques. Et la transparence aussi est en tension avec la sécurité. Je crois que ce qui est très important dans le futur, ça va être d'arbitrer entre ces exigences qui sont toutes légitimes, mais qui sont d'une certaine façon contradictoires. Et je crois que ce dont on aura besoin, c'est avec l'ensemble de la société de faire ces compromis indispensables pour la société du futur. Benjamin Bayard. Alors, juste un point vocabulaire. Quand l'État s'intéresse à ce que la population fait, ça s'appelle de la surveillance. Quand la population s'intéresse à ce que fait l'État, ça s'appelle de la transparence. Je sais, c'est pas complètement tout, voilà, mais c'est pas symétrique comme rapport. Le peuple qui surveille ce que fait l'État, c'est normal et c'est sain. L'État qui surveille ce que le peuple fait, c'est anormal et c'est malsain. Et c'est là où je suis en désaccord avec vous. Je crois que justement, nous étions dans une société dissymétrique, et aujourd'hui nous rentrons dans une société symétrique parce qu'il n'y a pas que l'État, il y a d'autres acteurs que l'État, et ne pas prendre en compte cela, je crois que c'est assez risqué. Au fond, il ne faut pas regarder, comme je le disais tout à l'heure, dans le rétroviseur de l'histoire, c'était des inquiétudes que nous avions dans le passé. Aujourd'hui, il faut faire en sorte justement qu'on puisse essayer de contrôler l'ensemble des acteurs du système et pas seulement les États. Non, je vais pas faire l'odieux rabat-joie et tempérer votre optimiste communicatif, mais quand on voit aujourd'hui dans cette tribune, Mark Zuckerberg se posait en héros de la défense de la démocratie et notamment des tentatives d'ingérence électorale de puissances étrangères, suivez mon regard qui parle russe, dans les processus démocratiques en Occident, hein, puisque c'est le cas, c'est aux États-Unis puis en Europe. Quand on voit aujourd'hui que le travail de lutte contre les fake news, l'État a complètement perdu la main, comme l'a dit Axel Lemaire, et aujourd'hui, les plateformes font à peu près strictement ce qu'elles veulent, tout en brandissant des chiffres que personne ne peut vérifier. Est-ce que le chemin qui est en train d'emprunter, Benjamin Bayard, cette démocratie numérique, il n'est pas un peu sur la mauvaise route ? Si, mais le point pour moi, est, il suffit de sous-titrer le texte de Zuckerberg et il devient limpide. Zuckerberg, il dit pas « je vais sauver la démocratie », il dit « je veux pas que l'État m'embête ». L'État est en train de dire « ta plateforme fait n'importe quoi, elle promeut des fausses nouvelles, ça fout la merde sur le plan démocratique, ça permet à la Russie de s'ingérer dans... » Alors je sais pas si c'est vrai, le problème est pas là. Mais l'État dit « ta plateforme pose problème, nous allons regarder ce que tu fais et tu devras rendre compte ». Et lui, il a pas envie que l'État pose des contraintes sur son entreprise. Il veut continuer à faire du business comme il a l'habitude. Et donc, ce qu'il dit dans sa tribune, c'est « Ok, vous voulez que je fasse ça, je vais faire ça, mais laissez-moi faire mon business comme j'ai envie. Ne vous en mêlez pas, ne faites pas de loi qui me contraigne. » Mark Zuckerberg, s'il a envie de défendre la démocratie, c'est simple. Il quitte les rênes de son entreprise et il se présente à une élection démocratique. Et on verra s'il aura une majorité avec lui. Axel Lemaire. Vous posez la question du rôle des civic tech. Là aussi, c'est en émergence, c'est balbutiant. De quoi parle-t-on ? On parle de porteurs de projets, des individus, des citoyens engagés qui se disent « moi, j'ai envie d'agir parce que je trouve que ce lien cassé, il faut essayer de le réparer. » Et cet essai se fait au moyen de l'utilisation de technologies. De ce que j'ai observé sur le terrain, ces civic tech, elles marchent bien au niveau local. Et plus c'est local, plus ça marche. Pourquoi ? Parce que lorsque des maires de petites communes se disent « on va essayer d'utiliser le numérique au service d'une démocratie locale plus vivante », eh bien, ce sont des expérimentations qui, pour moi, vont plutôt dans le bon sens. Alors avec cette limite qui est que c'est pas une fin en soi. En fait, ça doit être un moyen pour renouer et retisser du lien humain. Pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes de cette table ronde et que ce grand amphithéâtre de la Sorbonne est peuplé de différentes classes de lycéens, j'aimerais vous entendre tous les trois, puisque ce sont eux qui vont avancer, qui vont construire, qui vont composer cette démocratie numérique dans les années à venir. Jean-Gabriel Ganassia, un conseil sur quelle voie vous voulez les conduire, les emmener pour qu'ils ne tombent pas dans les fake news ou dans une démocratie numérique qui serait biaisée ou faillie à cause de la puissance notamment de ces super acteurs numériques. Je crois qu'il y a plusieurs conseils à donner. D'abord, c'est de ne pas avoir peur des algorithmes en tant que tels. Au contraire. N'ayez pas peur, il y a quelqu'un d'autre qui dit ça il y a longtemps. Il faut maîtriser, il faut comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes. Et c'est pas en refusant la modernité que vous allez vous sauver pour le futur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je crois, c'est que, effectivement, il faut repenser la démocratie. Je pense qu'à chaque époque de l'histoire, il a fallu repenser les institutions démocratiques. Nos états de droit ne sont pas si anciens que cela. Ils ont été amenés à évoluer. Je crois qu'ils vont continuer à être amenés à évoluer en tirant parti, aujourd'hui, de tous les apports de ces systèmes de communication. Puis dernier point, c'est que ce qu'on appelle les fake news, les informations erronées, elles se diffusent parce que il y a un certain nombre de gens qui en sont friands. Et je crois que justement, si vous formez votre esprit critique, et bien à ce moment-là, vous pourrez d'autant plus résister à ces informations erronées. Donc je crois que l'éducation est quelque chose de tout à fait central et l'esprit critique est tout à fait central. Et je crois que je le dis ici à la Sorbonne, le temple de l'éducation, si l'on est. Et je crois que c'est donc ça pour le futur qui est tout à fait essentiel. Il y a eu, moi quand j'ai commencé à faire l'informatique, il y avait l'idée chez les politiques que on pouvait se passer des professeurs avec les systèmes d'intelligence artificielle. Je pense que c'est l'inverse. Nous rentrons dans une société de la connaissance et il faut de plus en plus d'enseignants, de plus en plus de professeurs, de plus en plus de culture et de formation. Et contre les fake news, éventuellement, regardez les idées claires sur vos réseaux sociaux, qui est un petit programme produit par France Culture, par une personne qui s'appelle Nicolas Martin, je ne sais pas très bien qui c'est. Axel Lemaire. le débat sur les fake news ne doit pas être une fake news, au sens où il ne doit pas être une excuse pour ne pas agir. Et lorsqu'on regarde l'impact des fake news aux États-Unis sur l'élection présidentielle en 2016, est-ce que c'est à cause des fake news que Donald Trump a été élu ? Non, en fait. Ça a contribué à surconvaincre 10% des conservateurs considérés comme les plus conservateur du pays. Et donc, voilà, peut-être relativiser non pas l'enjeu, mais la réalité de l'impact. Je dirais la seconde conclusion, qui est la même que vous formulez un peu différemment, c'est l'algorithme, c'est la promesse de la raison. Le siècle des Lumières, c'était le siècle de la raison, et les leçons sont les mêmes. Les leçons, c'est cultiver l'esprit critique, et c'est peut-être plus vrai que jamais. Et donc, quand on lit quelque chose, il ne faut pas forcément considérer que c'est la vérité. L'important est de savoir bien chercher, de pouvoir vérifier les sources d'informations et à la fin de cultiver sa propre opinion. Et puis aux plus jeunes qui sont dans la salle, soyez des traducteurs du monde. Cultivez l'esprit critique dans l'hybridation des compétences et des disciplines. Soyez à la fois des codeurs, des développeurs, des scientifiques, mais aussi des humanistes, des linguistes et des économistes. Bref, des gens qui peuvent essayer de comprendre la complexité du monde, parce que c'est ce qui permet de redorer la décision humaine. Ça va faire beaucoup d'études, hein. Pour être tout ça à la fois. Benjamin Bayard, pour finir. Alors, pour les gens qui sont jeunes depuis plus longtemps, n'ayez pas peur des ordinateurs, et le meilleur moyen de ne pas avoir peur des ordinateurs, c'est de vous débarrasser des mots fumeux qu'on utilise trop souvent. Quand on vous parle d'algorithme, retirez le mot algorithme et remplacez-le par ce qu'il fait. Est-ce que la mise en avant de certaines informations me pose problème ? Moi, que ce soit fait par un papier, un crayon, une poêle à frire ou un algorithme, c'est pareil en fait, c'est ce qui est fait qui est intéressant. Pareil, quand on vous dit intelligence artificielle, 9 fois sur 10, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, remplacez ça par ordinateur. On veut que ce soit l'ordinateur qui dise si les gens sont coupables. Bon, ça aide à comprendre que moi, je suis pas d'accord. Je veux que ce soit un juge. Enfin, vous voyez, des choses simples. Et puis, pour survivre dans ce monde-là, autant je suis certain que les connaissances en informatique et en mathématiques sont extrêmement utiles, parce que ça permet d'enlever de la fumée. C'est-à-dire que moi, j'ai pas une intelligence artificielle dans ma poche, j'ai un ordinateur de poche. Il fait aussi téléphone, mais enfin, c'est surtout un ordinateur de poche, et j'ai une vague idée de comment il marche. Ça aide d'être informaticien. Mais un des effets essentiels autour du numérique et d'Internet, c'est que la société est en train de changer. Non pas qu'Internet change le monde, hein, ça c'est pas vrai. C'est notre société est en train de changer et elle utilise Internet comme outil pour changer. Elle s'est dotée de l'outil Internet pour changer. Comprendre comment la société change, qui est une des questions les plus compliquées du début du 21e siècle, c'est une question de sciences sociales. Donc ça, c'est pour moi fondamental. Tant qu'on me parle de numérique en ne mettant que des entrepreneurs et des informaticiens, il me manque les deux tiers du débat. Il me manque les historiens, il me manque la politique et il me manque les sciences sociales. Voilà. Et heureusement, vous avez France Culture pour tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois. Merci Axel Lemaire, merci Jean-Gabriel Ganassia, merci Benjamin Bayard, merci aux lycéens des lycées Louis-le-Grand, Henri IV, Colbert et La Fontaine. Et également le lycée Chaptal, le lycée Charles Péguy. Et voilà, que j'avais oublié. Voilà, c'était la diffusion du forum L'année vue par les savoirs, enregistré mardi dernier dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Le prochain, ce sera au mois d'avril, on ne manquera pas de vous tenir informé. Il sera question vraisemblablement de problématiques liées à l'alimentation. Évidemment, on vous tient au courant comme d'habitude sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Demain, ne ratez pas évidemment la suite des émissions scientifiques de France Culture avec la conversation scientifique du camarade Étienne Klein. Ce sera à 16h. Nous, on se retrouve lundi, jusqu'à preuve du contraire.